Section 12. Des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Les chansons de Bilitis, par Pierre Louis. Section 12. 56. Le lit. Non traduite. 57. Le passé qui survit. Je laisserai le lit comme elle l'a laissé, défait et rompu, les draps mêlés, afin que la forme de son corps reste empreinte à côté du mien. Jusqu'à demain, je n'irai pas au bain. Je ne porterai pas de vêtements, et je ne peignerai pas mes cheveux, de peur d'effacer les caresses. Ce matin, je ne mangerai pas, ni ce soir, et sur mes lèvres, je ne mettrai ni rouge, ni poudre, afin que son baiser demeure. Je laisserai les volets clos, et je n'ouvrirai pas la porte, de peur que le souvenir resté ne s'en aille avec le vent. 58. La métamorphose. Je fus jadis amoureuse de la beauté des jeunes hommes, et le souvenir de leurs paroles, jadis, me tint éveillée. Je me souviens d'avoir gravé un nom dans l'écorce d'un platane. Je me souviens d'avoir laissé un morceau de ma tunique dans un chemin où passait quelqu'un. Je me souviens d'avoir aimé. Ô Panikis, mon enfant, en quelle main t'ai-je laissé? Comment, ô malheureuse, t'ai-je abandonné? Aujourd'hui, Mnasidika, seule et pour toujours, me possède. Qu'elle reçoive en sacrifice le bonheur de ceux que j'ai quittés pour elle. 59. Le tombeau sans nom. Mnasidika, m'ayant prise par la main, me mena hors des portes de la ville, jusqu'à un petit champ inculte, où il y avait une stèle de marbre, et elle me dit, « Celle-ci fut l'amie de ma mère. » Alors je sentis un grand frisson, et sans cesser de lui tenir la main, je me penchai sur son épaule, afin de lire les quatre vers entre la coupe creuse et le serpent. Ce n'est pas la mort qui m'a enlevé, mais les nymphes des fontaines. Je repose ici sous une terre légère avec la chevelure coupée de Xanto. Qu'elle seule me pleure, je ne dis pas mon nom. Longtemps nous sommes restés debout, et nous n'avons pas versé la libation. Car comment appeler une âme inconnue d'entre les foules de l'Hadès? 60. Les trois beautés de Mnasidika. Pour que Mnasidika soit protégée des dieux, j'ai sacrifié à l'Aphrodita, qui aime les sourires, deux lièvres mâles et deux colombes. Et j'ai sacrifié à l'Arès deux coqs armés pour la lutte, et à la sinistre Hécata, deux chiens qui hurlaient sous le couteau. Et ce n'est pas sans raison que j'ai imploré ces trois immortels, car Mnasidika porte sur son visage le reflet de leur triple divinité. Ses lèvres sont rouges comme le cuivre, ses cheveux bleuâtres comme le fer, et ses yeux noirs comme l'argent. Fin de la section 12. Enregistrée par Nathalie Mussard.